qui fait que moi, je l'ai rencontré ici à Paris. D'accord. Voilà. Et quand je suis arrivée à Paris, on est resté, j'attendais qu'il vienne. Il est venu au bout de deux, trois jours. Venu par bateau, comme nous devions parler par bateau. Combien de jours? Une semaine, ça a mis. Une semaine, parce que oui, une semaine. En Italie, parce que j'ai pris le train. Oh, mais on était mal à l'aise. Et puis, il faisait un froid de canard. Et dans les valises, je n'avais rien, je n'avais que les choses d'été. Ce qui fait que je m'étais trompée dans les valises. Mais c'est tout, c'est pas important, ça. L'important, c'est que je voulais qu'il sorte. Qu'il ne soit pas arrêté. Vous auriez pu l'arrêter, ne pas le laisser quitter l'Égypte. Parce que vous étiez parti. Voilà. Oui, parce que j'étais parti. Et moi, entre-temps, il m'avait enlevé le séquestre. Avant de partir, on m'avait enlevé le séquestre, on m'avait payé ce qu'il me devait, moins 10% bien sûr. Et c'est comme ça qu'ils ont tout pris. Tout. Alors tout, les voitures, les appartements, tous les meubles, rien, ils ont tout pris. Nous avions un immeuble, ma mère avait un immeuble, tout a été pris. Rien. Alors on a essayé, j'étais ici au ministère des Affaires étrangères pour dire, on a fait la déclaration de tous vos biens, la déclaration de tous les biens. Après, il nous dit, mettez un avocat. On a mis un avocat, lequel avocat venait tous les ans passer des vacances à nos frais ici, 5 000 francs. Et on lui payait ses honoraires. Et il nous dit, je reviendrai. Je vais voir, chaque fois, à la fin, au bout de 3 ans, 4 ans, je ne trouve plus les papiers, ils ont tout déchiré. Vous deviez de l'argent au fisc, on a tout pris. Je n'en devais pas l'argent. Pour quitter, on doit avoir un papier du fisc, oui, comme quoi, on ne doit rien. Et voilà, le papier, je l'ai ici. Donc, non, ils ont trouvé que vous deviez encore de l'argent, donc ils ont tout pris. Il n'y avait rien. Les voitures, les meubles, tout. Et c'est ce qu'on m'a dit. Oh, vous n'êtes plus égyptienne, vous pouvez sortir avec un laissez-passer et visa sans retour. Oui. Il a donné un visa de sortie sans retour. C'est marqué, moi je l'ai. Non, ça va, merci. Je l'ai, j'ai ton visa toujours. Oui, mais j'arrive à l'aéroport de Paris. Elle manque le laissez-passer. Et j'étais angoissée. Deux gosses, une 16 mois. Et chacun me dit, attention, tu ne dis rien à personne, tu parles avec personne. J'avais peur de tout. J'étais toute seule avec les deux enfants. Et puis j'arrive, il me dit, madame, vos papiers. Je dis, voilà, j'ai le seul, mon passeport égyptien. Il m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est mon passeport. Non, mais il n'est pas valable. Vous retournez d'où vous venez? Je dis, c'est pas possible. Moi, j'ai quitté, je ne vais pas retourner. Ah, mais je regrette. Mais... C'est tous les Égyptiens qui ont quitté en 57-58. Oui, plus, oui. C'est plus rare, les gens qui sont partis. Ouais. Moi, j'ai quitté tard, ça a été mon drame. Je ne sais pas, mon bonheur est mon drame, parce que peut-être quand on vient plus jeune, quand on arrive en Israël plus jeune, peut-être qu'on s'habitue plus vite. Et moi, il paraît que j'ai quitté l'Égypte hier. Ce qui me rappelle, c'est quand je vais en Égypte et je vois l'Égypte, je me dis, ça ne ressemble pas à l'Égypte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 66 Je suis arrivée avant la guerre, un petit peu avant la guerre. Ouais. Et vos parents aussi Je suis venue avec mes parents et ma mère est décédée quand nous sommes arrivés. De suite, et mon père était avec moi. Je suis avec mon père. Mais pourquoi vous êtes partie en fait? Parce que vous sentiez que... Non, et le fait est qu'en 57-58, quand tous les Juifs ont été expulsés d'Égypte, il y avait une très petite communauté qui restait. Et mon frère, il avait 19 ans à l'époque, il voulait quitter l'Égypte. Donc ma mère a dit, bon, on quitte tous. Et nous étions supposés aussi partir en 58. Bon. 58, nous étions 57-58. Nous devions partir et nous étions tout prêts pour partir. Mon frère venait juste de se marier. Et puis mon père, étant donné que mon père avait des magasins en Égypte et beaucoup d'argent, il était connu pour être riche. Et le fisc l'a arrêté, demandant où est tout son argent s'il n'a pas fait des fuites de capitaux en Suisse. C'était à la mode. Donc il y a eu un procès. Mon frère était sur le bateau, nous étions en bas, on nous a arrêtés. Alors on lui a dit, bon, continue, ça va prendre 1-2 mois, nous allons te rejoindre en Israël. Alors lui est arrivé ici, nous avons été retenus en Égypte pendant 8 ans. Et pendant 8 ans? Oui. Le procès n'a jamais fini. Je sais que ma mère était très malade, on savait qu'elle n'avait pas beaucoup à vivre, elle voulait voir son fils qui était là. Nous sommes venus, mon père n'a jamais voulu venir. Il n'a jamais accepté à faire les papiers pour venir. C'était moi qui allais demander le passeport et le visa de sortie et tout ça. Mon père n'a jamais voulu venir en Israël. Il a dit qu'il savait que la vie était très dure en Israël, qu'elle n'était pas pour nous. C'est très dur. Je ne connais pas d'Égyptiens qui sont venus ici qui n'ont pas été traumatisés ou qui n'ont pas eu de choc. En venant, on n'a pratiquement pas eu de photos de mon grand-père, de grand-mère, etc. Ils ont dû laisser tout leur bien. Alors, là, ils ont eu une chance. C'est ma tante qui était catholique et yougoslave. Elle a pu récupérer des choses. Et alors, ils ont pu vendre des choses. Et par ailleurs, comme ils étaient yougoslaves, ils avaient pu rapatrier un peu d'argent par le consulat de Yougoslavie. D'accord. En Yougoslavie. Ce qui fait que nous, on allait dépenser l'argent des parents en Yougoslavie. On avait passé nos vacances là-bas, on déposait l'argent. On consommait l'argent qu'ils avaient à la banque et puis on leur remboursait à Paris. Et par ailleurs, ils avaient d'autres amis qui étaient espagnols, qui avaient réussi à rapatrier de l'argent en Espagne. Enfin bon. Mais pas grand-chose, hein, parce que c'était très limité. Hein. Et pour vos parents, ça n'a pas été difficile? Ah si, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Mes parents, je les avais vus en juin. Je les ai revus en décembre, ils avaient vieilli 10 ans. Hein. Ah oui, non, c'est. Puis je me suis retrouvée mis à la porte 2 fois dans sa vie, c'est beaucoup. La première, bon, j'étais jeune, c'était pas pareil du tout. La deuxième, ça a été assez dur. Avant le canal de Suez, le consulat de France nous a dit que nous devions partir, qu'il y aurait une guerre et qu'il ne pourrait pas subvenir à notre sécurité, donc qu'on devait partir, qu'il nous faisait partir. Et donc avant tous ces événements, et ma mère a accepté, elle a dit bon, donc j'ai démissionné là où je travaillais, mon frère, ma mère et moi, nous sommes partis en premier, et avec une valise chacun, donc on a tout laissé quoi, les souvenirs, les choses qu'elle on tenait, et puis on est parti. Et puis ma grand-mère est venue avec son fils et la femme de son fils dans un deuxième temps. Et puis ma tante avec son mari et ses 2 filles. Donc ça, c'était en 56. Oui. La même 56. Année que le canal, mais oui, un peu avant. D'accord. En 56. Et vous n'avez rien pu emmener Bon, on n'avait pas. Nous, on n'était pas des gens riches. Mm-hmm. Nous, on n'avait rien, mais je veux dire les services, les choses de famille qu'on possédait, l'une des uniques choses qu'on avait, on n'a pas pu. On n'a pas pu parce qu'il fallait avoir juste une valise, donc c'était compliqué. Mmh. Et voilà, donc on est parti. Et puis on se réunissait au palais de Chaillot. Où, 1956, date à laquelle nous avons été expulsés, comme tous les Français et tous les Britanniques, à la suite de l'affaire du canal de Suez. Mm. C'était Nasser qui avait ordonné d'expulser, malgré que nous étions nés en Égypte, nous n'avions rien à voir avec l'intervention militaire franco-britannique. Mm. Donc, on nous avait donné 7 jours pour quitter le pays. Et tout laisser. On n'était pas autorisé de sortir quoi que ce soit. En objet ou en argent? Oui. Bonne affaire, ma maison et tout. Tout a été séquestré, mis sous séquestre, sur scellé et tout ça. Et nous sommes partis, ma femme, moi et mes 2 enfants. Donc, il y bien. Et son frère, il était jeune encore, sont venus à Paris. Et j'étais reçu par mon frère qui était installé, il avait un grand appartement. Il nous a hébergés chez lui pendant 2-3 mois jusqu'à ce que nous puissions trouver un appartement. On avait noté nos adresses ou nos numéros de téléphone sur un petit carnet. Ce type-là était un militant. Il avait déjà milité, distribué des tracts dans des usines, je ne sais pas quoi. Il s'est fait arrêter. Le carnet a été saisi. Oui. Ils nous ont identifiés, ils nous ont arrêtés. Et c'est comme ça que nous avons été arrêtés, sans avoir, dans mon cas, en étant toujours candidat, en n'ayant jamais milité. Voilà. Et c'est donc comme cela qu'on est passé, si vous voulez, du sionisme au communisme. Mais en gardant finalement... Ah oui. Et certains de nos camarades, suite à cette campagne d'éclaircissement, ont décidé de partir pour militer en Israël. Voilà. Et j'en connais qui continuent à militer dans des partis de gauche et à la paix maintenant. Au moment où la paix, j'ai été acquitté, j'ai été libéré 6 mois plus tard. Six mois après ma première arrestation. Quoi. Donc j'ai été emprisonné pendant 5-6 mois, en même temps que des communistes égyptiens. Et j'ai été libéré, j'ai travaillé pendant 2 ans environ, dans des petits métiers comme faisait mon père. Pas, le mot petit métier, ça n'a pas la même connotation que ça en France. Ouais. Des petits métiers, c'est-à-dire des métiers qu'on peut faire sans avoir fait de grandes études. Et puis voilà, et puis j'ai été arrêté une deuxième fois et expulsé. Et ça, c'était en 56 alors ? Oui. Ouais. En tant que communiste ou parce que vous étiez communiste ou parce que vous étiez juif ? Parce que j'étais sur une liste noire. Hein ? Donc parce que en réalité, aux yeux des Égyptiens, je restais suspect. Parce que mes parents ont très très mal vécu les problèmes policiers que j'ai eus. Alors mon père a même à tel point qu'il a fait une maladie nerveuse. Il a même eu un électro-encéphalogramme, comment on appelle ça ? Électrochoc ? Oui, il a subi des électrochocs. On a été arrêté en 53, le procès a eu lieu 54. Bon, la plupart d'entre nous ont été acquittés, sauf deux qui ont été condamnés. Mais on m'a fait comprendre qu'il fallait que je quitte l'Égypte le plus rapidement possible. Donc j'ai traîné pendant quelques temps. Moi, je n'étais pas décidé, je ne savais pas ce que je devais faire. Et puis un jour, au mois de février ou mars 55, on m'a convoqué au Mabahes. Et on m'a dit, bon, si tu ne vis pas, on te mettra dans une barque, on te laissera au milieu de la mer, et tu t'arrangeras auprès d'un bateau, ouais. Et tu t'arrangeras pour aller dans le bateau. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai pas de papier, comment je vais partir? J'ai pas de... Bon, il m'a dit, écoute, c'est très simple, tu vas au Caire chez tel général avec cette lettre qui va te donner des papiers. J'étais au Caire, en 48 heures, l'affaire était réglée. Je suis retourné à Alexandrie au bureau des passeports et j'ai eu un titre de voyage pour départ défini. Et en France ? Alors, en France, ça a été compliqué. Ouais. Parce que je suis arrivé à Marseille et à Marseille, il y a eu un appel sur le bateau disant André, monsieur et madame Cohen, parce que je m'étais marié entre temps, sont priés de rejoindre. L'agent juif pour l'embarquement immédiat pour Israël. Ah bon ? Voilà. Mais pourquoi, comment ? Parce qu'ils avaient eu mon nom, par les autorités égyptiennes avaient dû donner mon nom, je ne sais plus, enfin ils savaient que c'était. Ah, ils arrangeaient avec les autorités égyptiennes. Voilà, ils se sont arrangés, je ne sais pas, enfin ils savaient que j'étais dans ce bateau-là. Et donc j'ai dit, il n'est pas question, j'ai 10 jours de visa en France. C'est vrai que dans le bateau, ils attendaient, il y avait des gens qui attendaient pour. Il y avait des gens qui attendaient, oui. D'accord, de l'agent juif. de l'agent juif. D'accord. Et donc j'avais un laissez-passer et les autorités françaises, enfin le consulat français m'avait donné un visa de 10 jours sans prolongation. Ouais. Aller sans retour. Aller sans retour. Ce qu'on dit, mon radra nehaei. Aller sans retour. Interdiction de revenir. D'accord. Là, en ces années-là de 60, on pouvait prendre un peu plus d'habits. Donc on avait des valises, mais on avait. Hein, ça, c'est celui de ma grand-mère. Mais c'est passé,